y'en a des tas. Certains sont même chefs d'État. Sont tous aussi des francs-maçons. La tête du prend pour un con. Du Vatican à Washington. La tête du prend pour un con. Illuminé jusqu'au Houston. La tête du prend pour un con. Le grand pour la dépopulation. La tête du prend pour un con. Ils empoisonnent la maladie. Arrête là, tu me fais trop rire. Empêchant les plantes de se reproduire. Arrête là, tu me fais trop rire. Enfermes tout un tas de pays. J'ai envie de. Falsifié. Le prochain sera nucléaire, c'est les ovnis qui vont.